ne pourrait se morfondre s'il avait rencontré tes yeux. Et aucune colombe ne pourrait faire de l'ombre à ta peau ou à tes cheveux. Au goût d'orange et de ciel bleu. Et aucune colombe ne pourrait faire de l'ombre à ta peau, à tes cheveux. Au goût d'orange et de ciel.